Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 18 septembre 2020. Voici les grands titres de cette grande édition. Le nouveau code du travail dont nos projets a été adopté ce jeudi par l'Assemblée nationale fixe l'âge de la retraite à 65 ans au lieu de 60 pour les fonctionnaires. Entre autres innovations, des contrats de travail écrits en langue comprise par les employés, sans oublier les domestiques, vous l'entendrez. Et plus de 17 000 bambous ont été plantés sur une longueur de 36 km sur la rive de la rivière Kanyaru séparant le Burundi et le Rwanda du côté de la commune Nyamurenza en province Ngozi. Une initiative privée saluée par le gouverneur et Pipo de Baranyikwa. Le représentant légal de l'Observatoire national de lutte contre le trafic humain donne comme réponse au départ des jeunes à l'étranger la multiplication des emplois en leur faveur. Cette semaine, 16 jeunes garçons ont été interceptés alors qu'ils se rendaient en Tanzanie en quête de travail. En actualité internationale, 6 mois après la mise en place d'un confinement très strict, les frontières internationales de l'Afrique du Sud seront rouvertes à partir du 1er octobre prochain. Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour et bonne réception. La multiplication des emplois en faveur des jeunes chômeurs et la mise en place des cantines scolaires sont quelques mesures à prendre pour lutter contre le trafic humain. C'est ce que suggère en tout cas Prime Mbarubu Keye, représentant légal de l'Observatoire national de lutte contre le trafic humain, ONLTC en sigle. Et c'est en réaction à l'arrestation de 16 jeunes garçons qui se rendaient en Tanzanie cette semaine. On l'écoute. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, voudrait demander ce qui suit. Premièrement, de créer des conditions de vie permettant aux Burundais, en général, de travailler 24 heures sur 24, comme cela se fait sous d'autres cieux, à travers la mise en place d'un système de relais jour et nuit, afin d'embaucher le maximum possible de jeunes sans emploi et pour permettre aux jeunes entrepreneurs de maximiser leur temps et leurs moyens à bord, afin qu'en travaillant beaucoup, ils puissent se développer eux-mêmes et très rapidement, et non mise plus sur l'extérieur du Burundi qui est souvent trompeur. Deuxièmement, de promouvoir les activités de rétention comme la promotion des coopératives des jeunes et des femmes, comme cela a déjà commencé d'ailleurs, ainsi que la promotion des activités de prévention contre la traite des enfants en instituant dans presque toutes les écoles fondamentales et post-fondamentales du pays des cantines scolaires pouvant faire face à la famine dont sont victimes la plupart des élèves à l'école suite à la pauvreté des ménages qui les ont vus naître. Troisièmement, d'être très vigilant sur tous les week-ends et les jours fériés, car nous trouvons que ces jours constituent vraiment des opportunités pas comme les autres pour le trafiquant d'organiser des convois de victimes de la traite pour les stocker, surtout dans les pays de transit, en attendant que les voies aériennes s'ouvrent après le Covid-19 pour continuer leur périple toujours à destination surtout des pays du Golfe Arabe, au moment où la plupart des Burundais sont retenus ou distraits par les obligations sociales ou familiales comme les fêtes. Maître Prime Mbarubu Keye, le droit à l'éducation a connu une avancée même si certains défis persistent. En constat d'un cadre de l'Inspection générale de l'éducation et de la recherche scientifique, ce vendredi, lors d'un atelier de validation de l'étude sur le droit à l'éducation, un atelier organisé par l'UNESCO, Scholastique Mengekeze propose que toute personne impliquée dans l'éducation donne sa contribution dans l'amélioration de ce secteur, même si on enregistre un nombre pléthorique d'élèves dans des salles de classe. Et constate aussi que certains textes de loi nécessitent d'être mis à jour. Suivez Scholastique Mengekeze. Le droit à l'éducation, il est garanti depuis la Constitution. Il est garanti aussi par certains textes législatifs et réglementaires. Seulement, on ne peut pas dire qu'il est garanti à 100%. Il y a toujours des améliorations à faire. Parce que si tout était à 100%, on risquerait de croiser les bras croyant que tout a été accompli. Donc, il y a certaines dispositions, bien sûr, qui doivent être révisées pour ne laisser personne derrière. Parce qu'il faut que tout le monde soit remorqué, que tout le monde soit au même niveau. Et l'éducation, c'est le moteur du développement. C'est même le moteur de l'accomplissement de tous les autres objectifs de développement durable. Donc l'objectif de développement durable numéro 4, c'est un pilier pour les autres ODD. Quand on parle du droit, il n'y a personne à négliger. il n'y a personne à exclure. Le défi démographique, c'est également le défi qui va se rencontrer quand ces enfants auront besoin des services sociaux de base. Quand il y a pléthore, l'enseignant, ils se plaignent qu'ils ont de gros effectifs. Mais je me dis que quand même, il y a quelque part une pédagogie des grands groupes qui n'est pas encore vulgarisée, qui n'est pas encore connue. Mais les grands groupes apprennent aussi. Il y a une pédagogie des grands groupes. Alors il faut qu'on apprenne cette pédagogie des grands groupes pour que les enseignants l'utilisent. Scolastique Mengekeze, elle est cliente de la banque BCB en province de Gitega. Demande aux responsables de cette banque d'agrandir les bâtiments de leur agence dans cette province. Ils ont exprimé ce souhait ce jeudi à Gitega dans un échange avec le directeur général adjoint de cette banque. Camille Ogoudedi a indiqué que bientôt, ils vont faire des réformes à l'agence de Gitega. Arthur Kavaouchi. Dans cet entretien, les clients de la BCB dans la province de Gitega ont indiqué que les bâtiments abritant cette agence de Gitega ont besoin d'être agrandis ainsi que l'augmentation du personnel car ils ont beaucoup de clients. Ces clients disent que comme Gitega a été nommé capitale politique, les bâtiments de cette banque devraient être agrandis mais également augmenter l'effectif du personnel afin que le service soit rapide. Le directeur général adjoint de la BCB, Camille Ogoudedi, a indiqué que des réformes au sein de l'agence de Gitega seront faites. Sur ces deux points, en ce qui concerne l'agrandissement de l'agence, nous en sommes conscients et nous avons déjà commencé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Gitega est devenue la capitale politique et nous devons suivre le mouvement. Donc bientôt, nous allons faire des réformes au niveau de l'agence de Gitega. Nous aurons un coin VIP. Pour recevoir les autorités, c'est déjà prévu, ça sera fait. Nous n'allons pas discourir. Bientôt, vous allez voir les réalisations. Ce responsable a montré celui qui vient diriger 6 agences se trouvant dans 6 provinces, ainsi que celui qui va gérer l'agence de Gitega. Depuis Gitega, Arthur Kavaouchi, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Je vous l'avais dit dans les titres, l'âge de la retraite des fonctionnaires passe de 60 à 65 ans selon le projet de loi analysé et adopté ce jeudi par l'Assemblée nationale. Ce projet porte révision du Code du travail au Burundi. Entre autres innovations, c'est également la signature des contrats de travail écrits en langue comprise par les employés, sans oublier les domestiques. Et c'est un reportage de Mireille Kanyang. La ministre de la fonction publique Domine Banyankimbona ce jeudi à l'Assemblée nationale a expliqué la révision du code du travail burundais par la naissance de nouvelles formes de travail depuis 1993. Le travail des domestiques devra ainsi figurer dans ce nouveau code et leur protection sociale assurée. Après l'exposé des motifs de ce projet de loi, les députés sont revenus sur l'âge à la retraite passant de 60 à 65 ans. Je demande à Madame la ministre quel sera l'avantage lorsque les fonctionnaires auront leur retraite à l'âge de 65 ans, alors qu'auparavant l'âge de la retraite était de 60 ans. Et pour ça, nous n'ignorons pas qu'il y a beaucoup de chômeurs dans notre pays, alors que ça pourrait être une occasion de leur donner de l'emploi lorsque l'âge de la retraite pouvait rester à 60 ans. Pour la ministre de la fonction publique, les 65 ans ont été retenus vu la problématique des fonctionnaires burundais quand ils approchent la retraite. Quand on regarde le travail des fonctionnaires burundais, quand la plupart atteignent l'âge de la retraite, ils en pleurent et demandent de continuer à travailler, car ils ne sont pas sûrs du lendemain une fois chez eux. Les salaires reçus au Burundi, c'est juste pour survivre, donc c'est vraiment problématique. Adopté par l'Assemblée nationale, l'autre innovation de ce projet de loi, c'est la signature des contrats de travail en langue comprise par l'employé, ainsi que la liberté syndicale. Le Comité national de dialogue fera également partie du nouveau code du travail burundais. Merci Mireille Kanyangé pour boucler l'actualité nationale. Plantation de plus de 17 000 bambous sur 36 km sur la rive de la rivière Kanyaru sur la frontière burundo-rwandaise du côté de la commune Nyamurenza en province Ngozi. Le gouverneur de cette province salue cette activité qui vise à protéger ce marais qui est souvent endommagé par le débordement des eaux durant la saison des pluies. Epipo de Baranyikwa s'exprimer ce jeudi lors de la présentation à la population du nouvel administrateur communal. Il demande à l'initiateur de ce projet de continuer jusque dans les autres communes frontalières à la Kanyaru. Apollinaire Monsagara. Ces bambous sont dans deux pépinières se trouvant sur les collines Nyabikenge et Makiazo, toutes deux la commune Nyamurenze. À la première colline se trouve une pépinière de 7213 plants et 9826 sur l'autre colline. Tous ces plants seront plantés sur les rives de la Kanyaru côté Nyamurenze sur une distance de 36 km. Cela permettra la stabilisation des berges et par conséquent la protection des parcelles dans ce marais, souvent emportées par des débordements d'eau pendant la saison pluvieuse côté burundais, car sur l'autre rive, c'est-à-dire au Rwanda, ce marais est déjà protégé. Le gouverneur de la province Ngozi a remercié vivement le député Epimeni Niwizi, natif de cette commune et initiateur de ce projet. Le gouverneur Epipo de Baranyikwa demande à cet élu du peuple de penser à d'autres communes riveraines de la Kanyaru comme Marangara, Ngumba et Busiga pour qu'elles soient aussi protégées contre ces débordements des eaux de la Kanyaru. Propos tenus aujourd'hui lors de la présentation à la population de Cesare Nizigimana, nouvel administrateur de la commune Nyamurenze, Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Actualité internationale. 6 mois après la mise en place d'un confinement très strict, les frontières internationales de l'Afrique du Sud seront rouvertes à partir du 1er octobre prochain. L'Afrique du Sud termine la sortie de son confinement et passe au niveau 1 d'alerte sanitaire, le niveau le plus bas. Avec quelques 650 000 cas et plus de 15 000 décès, l'Afrique du Sud reste le pays le plus touché du continent et le 8e au niveau mondial. Le rythme des contaminations a nettement diminué ces dernières semaines. Un constat qui a poussé le président Cyril Ramaphosa à lever la plupart des restrictions encore en place. Un soulagement pour l'industrie du tourisme à l'approche de la haute saison. Et l'artiste rwandais Kizito Mihigo reçoit à titre posthume le prix Vaclav Havel. Il est l'un des 3 lauréats cette année de ce prix qui récompense chaque année des artistes qui s'opposent avec leurs œuvres à la dictature. D'après un communiqué de Human Rights Foundation publié par RFI, Kizito Mihigo est d'abord récompensé pour les travaux de sa fondation pour la réconciliation, la fondation Kizito Mihigo pour la paix, mais aussi pour sa chanson controversée « Igisobanuro cy'urupfu », l'explication de la mort en français, qui est le sens même du prix Vaclav Havel. Human Rights Foundation affirme que Kizito Mihigo a fait preuve d'un énorme courage en 2014 en diffusant cette chanson dans laquelle il appelait à la compassion pour toutes les victimes. Kizito Mihigo est mort en prison le 17 février 2020 après avoir cherché à fuir le pays. Kigali a toujours affirmé qu'il s'était suicidé. On reste chez notre voisin du Nord. La demande de liberté conditionnelle de Paul Rusesabagina a été refusée par la justice rwandaise. L'ancien directeur de l'hôtel des Mille Collines à Kigali et dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda aurait sauvé la vie de plus d'un millier de personnes en les abritant dans son établissement durant le génocide de 1994. Mais il fait aussi l'objet de nombreuses accusations de la part des autorités rwandaises, notamment d'avoir financé des groupes terroristes. Exilé en Belgique sous le coup d'un mandat d'arrêt international, Paul Rusesabagina avait été arrêté fin août et emprisonné à Kigali. Âgé de 66 ans, il demandait une mise en liberté sous caution pour raison de santé. Ses avocats ont annoncé qu'ils allaient faire appel. Et enfin, plus de 200 détenus en fuite en Ouganda après une évasion. Depuis mercredi, les forces ougandaises sont à la recherche d'environ 200 détenus qui se sont échappés d'une prison du district de Moroto. Les détenus avaient pris soin d'enlever leur tenue jaune de prisonnier. Ils se sont enfouis nus et armés dans les contreforts du mont Moroto, une région du nord de l'Ouganda connue pour être hostile. Les détenus sont des criminels qui ont été emprisonnés pour des délits liés au vol de bétail dans la région, selon l'armée. Il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro et c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Et le nouveau code du travail dont le projet a été adopté ce jeudi par l'Assemblée nationale fixe l'âge de la retraite des fonctionnaires de l'État à 65 ans au lieu de 60. Entre autres innovations, des contrats de travail écrits en langue comprise par les employés, sans oublier les domestiques.